L'école des orphelins est construite au littoral ouest de la Corée. L'inauguration de l'école Sohae a eu lieu le 4 septembre en présence des cadres du secteur intéressé, des officiers et soldats des forces populaires de l'intérieur de Corée, des orphelins et du personnel de l'école. L'école a un aspect particulier, construite dans un beau site de la ville d'Anju de la province du Pyongan du Sud, à l'occasion du 40e anniversaire de la publication de l'œuvre classique du président Kim Il-sung, thèse sur l'enseignement socialiste, a le bâtiment principal muni des salles multifonctionnelles et informatisées, des laboratoires et des lieux de stage, le pensionnat, la cantine, le gymnase et réunit d'autres milieux d'enseignement et conditions de vie.